say, oh, just say, we're gonna have a party way. Oh, we wanna say, oh, just say, we're gonna have a party way. I want to listen guitar player, please. Is there a guitar player on the place? Est-ce qu'un guitariste est là? Allez-y, à toi, au synthé. Joyeux Noël à tous avec cette vieille chanson du groupe Lime que j'écoutais quand j'étais enfant. J'étais jeune, j'étais sur la piste de danse. Et je danse, et je danse. Laisse ta place au disque jockey suivant. Il s'appelle Zig.